Désormais, ses journées s'écoulaient dans la même obsession douloureuse. L'image de Denise se levait avec lui. Il avait rêvé d'elle, la nuit. Elle le suivait devant le grand bureau de son cabinet, où il signait les traités et les mandats, de 9 à 10 heures. Besogne qu'il accomplissait machinalement, sans cesser de la sentir présente, disant toujours non, de son air tranquille. Puis, à 10 heures, c'était le conseil, un véritable conseil des ministres, une réunion des 12 intéressés de la maison, qu'il lui fallait présider. On discutait les questions d'ordre intérieur, on examinait les achats, on arrêtait les étalages. Et elle était encore là. Il entendait sa voix douce au milieu des chiffres. Il voyait son clair sourire dans les situations financières les plus compliquées. Après le conseil, elle l'accompagnait, faisait avec lui l'inspection quotidienne des comptoirs, revenait l'après-midi dans le cabinet de la direction, restait près de son fauteuil de 2 à 4, pendant qu'il recevait toute une foule. Les fabricants de la France entière, de hauts industriels, des banquiers, des inventeurs. Va-et-vient continu de la richesse et de l'intelligence, danse affolée des millions, entretien rapide où l'on brassait les plus grosses affaires du marché de Paris. S'il l'oubliait une minute en décidant de la ruine ou de la prospérité d'une industrie, il la retrouvait debout à un élancement de son cœur. Sa voix expirait. Il se demandait à quoi bon cette fortune remuée, puisqu'elle ne voulait pas. Enfin, lorsque sonnait 5 heures, il devait signer le courrier. Le travail machinal de sa mère recommençait, pendant qu'elle se dressait, plus dominatrice, la reprenant tout entier, pour le posséder à elle seule durant les heures solitaires et ardentes de la nuit. Et, le lendemain, la même journée recommençait, ces journées si actives, si pleines d'un colossal labeur, que l'ombre fluette d'une enfant suffisait à ravager d'angoisse.